canette, voir une cassette, fumer une cigarette, sentir la raclette, me blottir dans tes bras. Oh Mathieu Costa, manger une merguez, se sentir à l'aise, un peu de rillette dans les cassettes, blotti dans ton lit, Anthony stérile. Très gentils, nous pourrons toujours faire l'amour. Oh Mathieu Costa, Anthony stérile. Oh Mathieu Costa, Anthony stérile. Oh Mathieu Costa, Anthony stérile. Mathieu, Mathieu, Tony, Mathieu, Tony, Mathieu, Tony, Mathieu, Anthony, Anthony, oh Mathieu Costa, Anthony Stéry, oh Mathieu Costa, Anthony.